Chapitre 4. Élisa commit une faute. Lorsque son mari revint, 2 jours après, elle ne lui souffla mot de la visite de M. Orlandi. Non qu'elle eût formé le projet de la lui cacher, loin de là, elle avait au contraire décidé de lui en parler. Mais Massimo arriva de très bonne humeur et en racontant une foule d'histoires, de sorte que pendant tout un jour, elle chercha vainement une occasion pour aborder ce sujet peu facile. Après un silence de toute une journée, il lui parut encore plus difficile d'entrer en matière. Car quelle excuse donnerait-elle pour avoir tant attendu? Et si elle en parlait en passant et comme n'y attachant aucune importance, ne pourrait-elle, ayant une fois éveillé l'attention de Massimo, être forcée de répondre à des questions bien embarrassantes? Elle continua donc à se taire tout en se le reprochant, jusqu'à ce qu'elle sentît l'impossibilité absolue de parler, et finit par se dire qu'il valait peut-être mieux que cela fût ainsi. Elle souffrait cependant. Rien n'était changé en apparence, mais cela ne suffisait pas. Elle voulait être la même en réalité, intérieurement, et cependant sa tâche, qui était devenue facile avant la visite si inattendue de M. Orlandi, lui paraissait maintenant, bien qu'elle essayât de se le nier à elle-même, au-dessus de ses forces. Aux anciennes pensées douloureuses s'ajoutait ce regret tout particulier et terrible qui forme le fond innommé de la tristesse de presque toutes les existences brisées, le regret de ce qui aurait pu être. L'idée de revoir sa mère la faisait trembler. Pour se montrer toujours la même avec son mari, il fallait souvent jouer une comédie atroce. Elle faisait des efforts inouïs pour oublier, pour ne pas savoir ce qu'elle savait, pour reconquérir la paix obtenue jadis avec tant de persévérance. Et il fallait cacher ses peines inavouées, jouer son rôle en souriant et dissimuler toujours, car sa seule consolation était dans l'idée que Massimo n'en soupçonnait rien. Mais elle se trompait. Massimo était informé de la visite de l'oncle, il avait tout compris et deviné. Il souffrait aussi et, chose plus affreuse encore, il doutait. Un soir, au théâtre, on lui avait montré Giulio Bardi, et pendant la durée d'un opéra en 5 actes, il n'avait fait que l'observer. Il avait dû admirer un visage expressif, pâli par les souffrances et par le travail, des yeux, un front, des traits d'une beauté incompréhensible ou vulgaire, mais que certes une femme ne pouvait oublier. Quelque chose de ferme et de douloureux dans les sinuosités de la bouche, qu'une moustache soyeuse cachait à peine, un menton bien dessiné et un peu accentué, signe d'une volonté tenace. Il vit un homme qui, des pieds à la tête, différait de lui autant qu'on peut l'imaginer, un homme qu'à première vue il estimait jalousement, mais que même en ignorant son nom, il lui eût été impossible d'aimer. En entendant parler de la fortune que Bardi avait lentement acquise et de la considération dont il jouissait, en voyant la tristesse résignée de son regard dont lui seul, Massimo, parmi tout ce monde, savait la cause, il devina d'un bout à l'autre toute la vie courageuse de cet homme. Lui, le grand seigneur sceptique, dont la philosophie facile ne l'avait poussé qu'au plaisir, lui, le viveur profondément intelligent, d'un esprit si fin et d'une culture si raffinée, maintenant qu'un amour vrai avait illuminé son âme, se sentit pour la première fois humilié dans son élégance et envieux de ce travailleur, lui enviant sa dure vie obscurément consacrée aux devoirs, ses douleurs saines, ses sentiments inaltérables, son humble grandeur. De plus, l'affreuse jalousie du passé, inconnue jusqu'à cette minute, se déchaîna tout à coup férocement dans tout son être, et il sentait qu'il eût été fier de serrer la main de cet homme et heureux de le tuer. Il avait deviné ou à peu près tout ce que la visite de M. Orlandi à sa femme pouvait signifier, et son enjouement, son entrain en revenant, n'avait été qu'un piège où Elisa s'était laissée tomber. D'heure en heure, il avait fiévreusement attendu qu'elle lui parlât de la visite qu'elle avait reçue, et le silence de sa femme lui parut coupable et confirma ses soupçons. La jalousie donne à n'importe qui l'imagination d'un poète arabe. dans la tête de Massimo et l'éveilla des idées tellement insensées que par moments il se croyait presque fou. Il épia bêtement sa femme avec autant d'esprit qu'un vidocq épiant un criminel. Chaque attitude, chaque mot, chaque regard d'Elisa, qui n'était qu'à moitié sur ses gardes, était analysé et commenté par lui. Ce paradis de la Villa del Giglio, où le décor du bonheur subsistait, où rien n'était changé, où la vie était la même, se transforma en enfer. On y jouait à chaque heure une terrible comédie à deux personnages, sous laquelle couvait un drame. L'été venu, ils allèrent à Via Reggio, car on avait recommandé à Massimo l'air de la mer. Ils louèrent une maison très confortable sur la plage, mais à une certaine distance de la petite ville. Là, Massimo continua à être aimable et d'excellente humeur, tout en épiant à chaque moment Elisa. S'il avait pu se voir, il ne se serait pas reconnu lui-même. Il fit une course à Florence pour savoir si Bardi était parti, et on lui apprit qu'il était à Londres depuis longtemps. Cela ne le tranquillisa qu'à moitié, et ayant perdu toute pudeur, il prit l'habitude de lire les lettres de sa femme. 3 semaines se passèrent sans le moindre événement. On menait la vie la plus tranquille qu'il soit possible d'imaginer, et Lady Thompson, qui vint un jour de Livourne voir les D'Astore, leur déclara qu'il fallait être fou pour préférer une plage presque déserte à la belle promenade de l'Ardenza, où l'on se distrait si bien de la vie d'hiver, en voyant tous les jours exactement les mêmes personnes que l'on voit à Florence, et en accomplissant exactement les mêmes évolutions au même moment. Que de longues heures terribles Massimo passait seul dans sa chambre, assis à une table près de la fenêtre, faisant semblant d'écrire, le regard perdu sur l'immensité de la mer. Éprouvant souvent un grand besoin de solitude, il avait inventé un travail historique, imaginaire, auquel il était censé se livrer lorsqu'il sortirait dans son appartement. Et cependant, il n'avait rien découvert, mais l'attitude d'Elisa était loin de dissiper ses doutes, et il se tourmentait sans cesse. Il tâchait toujours, mais en vain, de se démontrer la bêtise et la méchanceté de ses soupçons. Comme de petits événements qui, certes, eussent paru insignifiants à bien d'autres, avaient suffi à détruire ce bonheur dont il avait goûté les délices, sans les apprécier autant qu'il le faisait maintenant que tout lui semblait remis en question, et comme il regrettait l'insouciance de cette félicité évanouie. Il avait su que Giulio Bardi n'avait jamais été marié. Elisa avait-elle été dupe d'un mensonge ou avait-elle voulu le tromper lui, Massimo? Puis, en pensant aux conditions de son propre mariage si exceptionnel, il voyait combien cette idée était absurde. Mais dès que, par hasard, il avait appris que Bardi n'était pas marié, dès qu'il l'avait vu et qu'il avait su la visite de M. Orlandi à Elisa, il avait deviné tout le reste. La sublime fidélité inutile de Bardi, la raison de son arrivée à Florence, le motif, ou à peu près, de l'apparition de l'oncle à la Villa del Giglio. Au théâtre, son regard ne s'était croisé qu'une fois avec celui de Giulio, mais que de choses dans ce rapide coup d'œil. Massimo faisait aussi parfois des promenades solitaires. Un jour qu'il suivait un sentier à travers champs, il vit devant lui, à une grande distance, un homme dont la silhouette le fit pâlir, car il crut reconnaître celui à qui il pensait trop souvent. Malgré sa vue excellente, il ne pouvait être sûr de rien. Il doubla le pas et vit l'individu entrer dans une maison de paysans entourée d'un petit champ à laquelle le sentier aboutissait. Il passa devant la maison parfaitement close, eut la tentation d'y entrer, mais pensa qu'il était peut-être imprudent de le faire et qu'il valait mieux revenir le lendemain. Il revint en effet, et il revint tous les jours pendant une semaine sans pouvoir rien découvrir, n'osant croire au témoignage incertain de ses yeux, mais effrayé par les pressentiments de son cœur. Pendant ce temps, il observait Elisa de plus en plus, et il croyait découvrir en elle un changement toujours plus visible, un embarras plein d'angoisse qu'elle essayait en vain de cacher. Il s'imaginait la voir tressaillir à certains bruits, ou pâlir sans raison. Il affecta de rester dehors longtemps, d'aller à la découverte à travers champs, et il lui semblait qu'elle se troublait lorsqu'il racontait ses promenades. Quant à lui, excité par l'horrible désir de savoir la vérité, quelle qu'elle fût, il souffrait, sans presque avoir conscience de souffrir, et se montrait parfaitement calme. Enfin, ayant la fièvre, ne pouvant plus supporter un tel doute, il décida qu'il en aurait le cœur net. Fatigué de passer des heures en recherches infructueuses, il alla se planter devant la maison suspecte, cachée par un massif, et il y passa toute une journée. Quand vint le soir, n'ayant rien vu, il s'approcha à pas de loup, et se glissant dans l'enclos comme un voleur, en escaladant la baie, il alla regarder à travers les vitres. Il vit des paysans, assis autour d'une table, en famille, attendant le souper que la vieille mère finissait de préparer. Par moments, l'ancien homme surgissait en lui, et il riait de lui-même, mais bien amèrement. Il resta là longtemps, avec une patience obstinée, mais il dut enfin quitter son poste d'observation sans avoir rien découvert. 3 jours après, au moment où il s'y attendait le moins, et lorsqu'il avait presque renoncé à découvrir la vérité, il vit Giulio Bardi en personne entrer dans un petit hôtel près de la gare. Pas de doute possible cette fois. Massimo le vit sans être vu. Il eut une secousse intérieure comme s'il avait reçu un boulet dans la poitrine. Il resta pendant quelques minutes pâle et immobile et sans pensée. Toutes ses idées étaient perdues. Il ne sentait que la conscience d'un malheur profond. Puis il retourna machinalement à la maison. Il trouva par hasard Elisa en assez nombreuse compagnie. Des visites de Livourne, la marquise Riccardi avec toute sa bande. Massimo sut être aimable et personne ne s'aperçut de rien. Il causa et on le trouva spirituel. Mais quel flot d'horribles pensées l'assaillit un peu plus tard, en se retrouvant seul et rentré en pleine possession de lui-même. Bardi avait donc peut-être toujours été là, tandis qu'on le croyait à Londres. Il était donc déjà revenu, ou plutôt il n'était jamais parti. Et ce faux départ n'avait été imaginé que pour détourner les soupçons. Et comment pouvait-on supposer qu'Elisa ne le sut pas, qu'il n'y eut pas complicité entre eux? Ils correspondaient donc, par quel moyen? Cependant, en réfléchissant, il lui semblait impossible qu'ils eussent pu se voir. Il continua à tout surveiller. Quelques jours après, il crut deviner que Bardi était parti, mais sans pouvoir en être sûr. Et maintenant que ses doutes s'étaient réalisés, navrés, il lui fut toutefois plus facile de dissimuler, car il était homme d'action et on pouvait agir. Il y avait un point de départ. Il s'étonnait lui-même de son calme devant Elisa, et il était tel que certes elle ne pouvait le croire sur ses gardes. Il avait été décidé, dès le commencement de leur séjour à Viareggio, qu'Elisa, avant de retourner chez elle, irait enfin faire une visite promise depuis très longtemps à une amie d'enfance qu'elle n'avait plus reçue. Cette amie, fille d'un fabricant de porcelaine assez riche, avait épousé par amour un pauvre employé subalterne nommé Veghezzi, qui, constamment maltraité et malheureux, avait fini par accepter une pauvre place de secrétaire, sans le moindre espoir d'avancement, dans la petite ville de G, presque un village, où il resterait probablement toujours. Madame Veghezzi écrivait de temps en temps à la marquise d'Astore, qui naturellement ne l'avait pas oubliée. Mais tous les ans, Elisa promettait à son humble amie d'aller la voir, elle et ses enfants, elle en avait 7, et toujours quelque obstacle avait surgi au dernier moment pour l'en empêcher. Arrivée à Viareggio, Elisa avait déclaré à Massimo que cette fois, elle ne rentrerait pas à Florence sans être allée d'abord à G, et Massimo lui avait répondu « Tu as raison, il le faut absolument, mais tu m'excuseras si je ne t'accompagne pas, j'avoue que cela ne m'amuserait guère. » Mais la veille du départ, et comme il fallait mettre le projet à exécution, Massimo dit tout à coup à déjeuner « Après tout, j'ai réfléchi, il vaut mieux que je t'accompagne à G. » Il regardait fixement sa femme en prononçant ces paroles, et il crut voir en elle un léger trouble aussitôt réprimé. « Oui, cela vaut mieux. Tu seras peut-être forcé d'y passer la nuit. »« C'est assez probable, mais qu'est-ce que cela fait? Ma femme de chambre m'accompagne, c'est bien assez. Ce serait un trop grand sacrifice pour toi, et je ne puis le permettre. Tu t'ennuierais à mourir. Et que ferais-tu toute la journée pendant que je bavarderais avec mon ami? Cependant, je crois que cela vaut mieux. « Mais non, te dis-je, tu me reprocherais après de t'avoir laissé venir, j'en suis sûr. » « Eh bien, ce sera comme tu voudras. » Un horrible soupçon lui avait traversé l'esprit, et tout ce qu'il observa chez Elisa, ne la quittant pas de toute la journée, ne fit que confirmer son idée. Son plan fut donc tout de suite arrêté. Au moment de partir, il demanda à Elisa si Madame Beghezi était avertie de son arrivée. « Non, répondit-elle, je veux lui faire une surprise. D'ailleurs, sa vie est tellement monotone qu'on est toujours sûr de la trouver. Elle me l'a écrit si souvent. » Massimo accompagna sa femme à la gare. Il lui dit qu'il partait une heure après pour Livourne, où il s'arrêterait jusqu'au soir et qu'il prendrait le dernier train pour Florence. Il alla à Livourne en effet, mais n'y resta pas une minute. Il n'eut que le temps de sauter dans un wagon, qu'on lui indiqua sur sa demande, sans même prendre de billet, et une heure et demie après sa femme, il descendit à la petite station de G. La journée était brumeuse et triste. Massimo releva le collet du léger paletot dont il était couvert et alla droit à l'hôtel qu'il se fit indiquer. On ne pouvait se tromper, il n'y en avait qu'un de convenable, l'Albergo della Stella. L'hôtel était plein car c'était jour de marché, et on donna à Massimo une chambre assez propre au deuxième étage où il monta rapidement. Il se mit à la fenêtre et regarda pendant quelque temps la foule bariolée, composée de paysans poussant leurs bêtes devant eux, de marchands forains assis à côté de leur étalage, de fermières dont les croix d'or et les grandes boucles d'oreilles ouvragées brillaient sur les robes à fleurs grossières. Parlant tous à la fois, criant et gesticulant, tout ce monde se pressait dans la rue étroite et tortueuse. Une pluie fine commençait à tomber, et sur ce parterre de feutres noirs ou gris s'ouvraient çà et là d'énormes parapluies rouges. À droite, la rue tournait brusquement. À gauche s'ouvrait une petite place où brillait l'enseigne dorée d'un café élégant, évidemment le café, car plusieurs officiers étaient accoudés aux petites tables qui encombraient le trottoir. Massimo regardait tout cela comme un rêve et déjà il se demandait ce qu'il était venu faire. Il avait cédé à une impulsion irrésistible, mais comme cela montrait bien le changement profond qui s'était opéré en lui. Il se rappelait ses moqueries d'autrefois contre ceux qui avaient accompli de semblables démarches. Il se rappelait ses théories d'indifférence et combien il était sûr alors de rester toujours le même. Et il riait amèrement. On frappa, c'était le garçon. « Je viens savoir à quelle heure monsieur le marquis désire dîner. » Étonné d'être reconnu, Massimo regarda le garçon, qui était le camériere de petite ville, grand, adroit, servile et impertinent à la fois, sale et prétentieux dans sa mise. « Tu me connais ? » demanda-t-il. « Parfaitement, » répondit l'autre, et il continua avec aplomb. « Monsieur est le marquis Ferraris. Mon frère aîné a servi dans le temps le vieux marquis à Parme. Je me rappelle encore les fêtes magnifiques qu'il donnait. Mais monsieur n'y était jamais, et il préférait s'amuser à Milan. « Ah vraiment ? Tu m'as reconnu tout de suite ?» fit Massimo, qui, heureux d'être pris pour un autre, se garda bien de détromper le garçon. « Eh bien, tu me porteras à dîner dans une heure, ici. » « Monsieur a raison, il y a trop de monde en bas aujourd'hui. Monsieur partira-t-il par le train de ce soir ? Je ne sais pas, c'est possible. » Massimo était lui-même étonné de son propre calme. Il mangea, goûtant machinalement aux 8 plats qu'on lui servit et faisant causer le garçon, celui-ci le mit immédiatement au courant de tous les cancans de G. « Connais-tu monsieur Beghezi ? » dit le marquis. « Je crois bien que je le connais, mais il n'est plus ici. » Massimo se sentit pâlir. « Depuis quand ? » ?»« Mais depuis bientôt un mois. » »« Et il est parti, avec sa famille ?»« Oui, monsieur le marquis, avec toute sa famille depuis un mois et plus. Est-ce que monsieur est venu pour lui parler ?»« Non, seulement je l'ai connu jadis et... Vous avez beaucoup de monde aujourd'hui ?»« Comme tous les mardis. Mais nous n'avons pas seulement des marchands de bœufs. Il y a une duchesse qui est arrivée ici ce matin et qui a pris le numéro 7. »« Une vraie duchesse ?»« Ah, je crois bien. Ça soit tout de suite. » Elle avait un petit sac à main avec le chiffre E.A. en or et une couronne, une bien belle femme. Elle et sa femme de chambre avec elle. Tout à coup, Massimo eut une peur vague d'en savoir trop et changea la conversation. Cependant, le camériere recommença bientôt à parler de la duchesse. Il raconta qu'aussitôt arrivée, elle était sortie, mais pour rentrer bientôt et qu'elle n'avait plus mis le pied hors de sa chambre. Qu'ensuite elle avait demandé à quelle heure partait le train pour Prato, et qu'ayant su qu'il n'y en avait plus jusqu'au lendemain à 6h30, elle avait donné l'ordre qu'on la réveillât à 5h. C'était par le garçon qui servait le premier étage qu'il avait su tous ces détails. Massimo resta très intrigué de ce projet de départ pour Prato. Quand il eut fini de dîner et qu'il fut seul, il marcha longtemps autour de la grande chambre presque démeublée en fumant son cigare et en réfléchissant. « Après tout, pensait-il encore, qu'est-ce que je suis venu faire? C'est absurde. Comment ai-je pu imaginer et accourir ici sur un simple doute, sans la moindre preuve, quand au contraire, en y réfléchissant, il est presque impossible. Cependant, c'est Vegezzi qui n'y sont plus. Comment l'ignorait-elle? C'est tout de même absurde, je suis fou. Puis même, si j'avais raison, que puis-je découvrir et de quelle manière? Jolie situation. Je suis bête, j'ai la fièvre. Comme j'aurais ri au nez, il y a 5 ans, de celui qui m'eût dit que je viendrais incognito dans une chambre d'auberge pour espionner ma propre femme, comme un mari de théâtre. » Il se remit à la fenêtre. La rue était presque déserte maintenant, mais il ne pleuvait plus et le ciel éclairci s'empourprait des rayons du soleil couchant. Une très jolie fille s'accouda au balcon de la maison d'en face. Il la regarda machinalement. Elle se retira. Alors il abaissa de nouveau les yeux vers la rue. Il vit un étranger qui causait sur la porte avec le garçon. L'étranger se retourna et Massimo reconnut Giulio Bardi. 2 minutes après, il le vit entrer dans l'hôtel. 1 heure plus tard, comme la nuit était tout à fait tombée, Massimo alla rôder dans l'hôtel. C'était vraiment une auberge italienne, avec quelques vagues prétentions au confort moderne. La cour était encombrée de voitures de toute espèce, de baroccini poussiéreux, de chevaux à peine dételés, et parmi ces encombrements, stationnait une foule d'oisifs, paysans, marchands, colporteurs, petits bourgeois, quelques-uns disputant encore le prix d'une vente, d'autres riant, tandis que dans un coin on se querellait déjà à grands éclats de voix. La maison avait 2 étages. À chaque étage, un balcon extérieur à rampe de fer courait tout autour de la cour et donnait accès aux chambres dont on pouvait lire les numéros d'en bas. Il y avait 2 escaliers, l'un à droite, l'autre à gauche. En bas était une salle commune dont la porte ouverte laissait passer une longue traînée de lumière et le brouhaha confus des causeries avinées. Exactement au-dessus était la salle à manger destinée aux nobles étrangers. Massimo y entra et la trouva vide. 2 fenêtres s'ouvraient sur une terrasse couverte qui dominait à une grande hauteur un ravin au fond duquel blanchissaient, à demi éclairés par la lune voilée, les pierres d'un torrent à sec. De l'autre côté du ravin s'élevait une longue chaîne de collines boisées, égayées par des groupes de maisons et de villas qu'on entrevoyait à peine. À droite s'allongeait la ville. En s'aventurant par les corridors, Massimo avait découvert que le numéro 7 se trouvait à côté de la salle à manger, mais plus élevé de la moitié d'un étage, par quelques marches qu'il fallait monter, comme cela arrive souvent dans ce genre de maison d'une construction irrégulière. Il avait résisté à la tentation de pousser la porte et d'entrer brusquement. Il avait prêté l'oreille et n'avait rien entendu. Ensuite, il avait essayé d'ouvrir une des portes des chambres voisines, mais elles étaient fermées en dedans. Alors, il était retourné sur la terrasse. Il resta quelques minutes à regarder le paysage accoudé au parapet. Un immense nuage noir s'avançait rapidement. Bientôt, il couvrit la lune. Il ne fut plus possible de voir les ondulations des collines ni la silhouette exacte de la ville. Seulement, plongeant à pic dans la profondeur, le regard distinguait comme un ruban blanchâtre formé par le lit du torrent. La terrasse couverte était adossée d'un côté au corps de logis principal, où un balcon très long s'étendait. De la terrasse, on pouvait presque le toucher. On devinait facilement que la première fenêtre donnant sur ce balcon devait être celle de la chambre numéro 7. Massimo était affreusement pâle. Les douleurs articulaires dont il souffrait depuis quelque temps l'avaient repris, et par moments son cœur battait à se rompre, puis semblait vouloir s'arrêter. Comme toujours, la souffrance morale se confondait avec la douleur physique. Les horribles pensées qui s'entrechoquaient dans son cerveau l'effrayaient, et au milieu de son tourment, il sentait au fond de sa conscience comme une voix moqueuse et méprisante qui raillait sa misère. 1000 choses du passé, dont quelques-unes n'avaient plus le moindre rapport avec la situation présente, surgissaient devant lui. et d'une façon irrégulière et illogique, toute sa vie apparut à ses yeux. Et voilà où il en était arrivé. Qu'était-ce que ce terrible et douloureux rajeunissement de l'âme qui le faisait trembler? Qu'était devenue la froide supériorité qui le rendait toujours maître de ses passions? Comment avait-il perdu cette cynique indulgence pour toutes les fautes des femmes, fût-ce d'une femme aimée, qui lui avait fait autrefois considérer la jalousie comme une faiblesse indigne d'un homme qui, sans son mérite, comme une maladie surannée, condamnée au ridicule dans notre société moderne? Descendu maintenant au niveau de ceux dont il s'était le plus moqué, il avait perdu toute sa sceptique bonté. Il se sentait brutal, capable de tout, presque désireux de scandale. Il s'attachait bourgeoisement à ses droits de mari et sentait en même temps dans tout son être bouillonner les fureurs d'un amant trompé. Les lois sociales, dont il avait souvent blâmé en riant l'injuste sévérité, lui apparurent molles et insuffisantes. Il ne se reconnaissait plus. Un sentiment tout nouveau se changeait en douleur et le mordait aux entrailles, la haine. Et à la force de cette haine, il mesura à quel point il aimait cette femme qui le trompait. Il lui sembla tout à coup sentir son amour s'agrandir, comme pour faire éclater son cœur. Il aimait au point de tuer et d'en mourir. De mauvaises passions inconnues jusque-là s'éveillaient en lui. Un effrayant désir de vengeance l'étreignait. Puis, des attendrissements lui venaient, des minutes dans lesquelles tout le désespoir d'une vie était contenu. Il se rappelait les différentes phases de sa vie depuis qu'il avait connu Elisa, et il rêvait en considérant où son bizarre mariage l'avait conduit. Quel charmant et original point de départ et quelle chute vulgaire! Mais il n'était plus maître de lui-même. Le souvenir sacré de sa sœur qui lui traversa l'esprit n'eut pas le pouvoir de le calmer. Les pensées calomnieuses qui maintenant l'obsédaient contre sa femme remontaient en arrière jusqu'au jour où il avait rencontré Elisa Valenti. Au fond, il était tombé dans un piège comme un imbécile. Croyant Bardi marié, elle avait été heureuse de l'épouser à la place de Gorletti. Mais peut-être avait-elle toujours été en correspondance avec son amant. Il oubliait que cela lui était indifférent autrefois. Mais sa rage, sa haine, cachaient une terrible douleur. Il n'en avait peut-être pas conscience, mais il demandait la vengeance moins pour elle-même que dans l'espoir d'y trouver un soulagement à son insupportable torture. Les yeux fixés au balcon, il pensait que certes, il devait être là, derrière ce mur, seul avec elle. Et alors, les plus douces heures de la Villa del Giglio lui revenaient à la mémoire, et il se rappelait les longues soirées d'été dans le grand salon silencieux, lorsque la lune des belles nuits posait l'enchantement de sa lueur sur les cheveux défaits d'Elisa. Il se souvenait de ses doutes renaissants, et par elle dissipés avec tant de bonté. Elle mentait donc vulgairement, elle aussi. Ah, maintenant il n'y avait plus à douter. Elle le trompait, lui, à qui elle devait tout. Pourquoi n'avait-elle pas eu au moins la pitié de le laisser fuir loin d'elle lorsqu'il l'avait voulu? Il n'avait plus qu'à rendre le mal pour le mal et ensuite à espérer que la fin de cette mauvaise farce qu'on appelle la vie ne se fît pas trop attendre. Et sa douleur était noble et vulgaire à la fois. Il souffrait au plus profond de son âme et en même temps, lui, si supérieur aux petites vanités, il se sentait pour la première fois blessé au vif dans son amour-propre. Il regardait toujours le balcon, mesurait la hauteur qui l'en séparait. Évidemment, il n'y avait pas d'autre moyen. Il fit le tour de la terrasse, il n'y trouva personne. Alors il jeta un dernier coup d'œil autour de lui, puis monta sur le parapet de pierre. Se cramponnant d'une main d'abord, puis de l'autre, aux barreaux du balcon, il fut balancé dans l'espace sur le gouffre noir. Le fer lui coupait les doigts, mais par la tension de ses muscles exercés, il monta lentement. Tout à coup, une de ces horribles piqûres qui lui venaient parfois lui traversa le cœur. Il eut une seconde de défaillance, mais après un instant de suprême angoisse, il se raidit, et par un effort violent, il continua et arriva à céder des genoux et des pieds. Enfin, après une minute d'un siècle, il enjamba le balcon qui s'étendait devant lui en toute sa longueur. Il s'approcha de la fenêtre avec les plus grandes précautions. L'idée lui avait traversé l'esprit que tout serait inutile si les volets étaient clos. Il ne l'était pas. On avait même laissé les vitres ouvertes. les fentes des jalousies fermées étaient si larges qu'on pouvait voir tout ce qui se passait à l'intérieur et tout entendre. Elisa, seule, un livre à la main, assise dans un fauteuil à côté d'une petite table sur laquelle brûlaient deux bougies, lisait tranquillement. Massimo resta les yeux fixés sur elle. À ce même moment, on frappa à la porte. Elisa posa son livre et prêta l'oreille. On frappa un peu plus fort. « Entrez !» dit-elle d'une voix un peu timide. Et Giulio Bardi entra.